was just wondering. From my hometown, making memories, I pray. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale Goldman Sachs avec notre invité Jérôme Fritel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes l'auteur avec le journaliste du Monde, Marc Roche, d'un documentaire sur cette affaire, intitulé Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde, et plus récemment d'une nouvelle enquête sur les coulisses de la banque HSBC, qui est toujours disponible d'ailleurs au visionnage hein, sur le site Arte Plus 7, et celui-là s'appelle Les gangsters de la finance. Et décidément, la finance est un endroit mal fréquenté, hein. Soit elle dirige le monde, ce qui est un énorme déni de démocratie, soit elle est remplie de gangsters. Il n'y a pas que ça, mais il y a de très belles histoires noires dans la finance, effectivement. Alors, votre enquête longue de plusieurs mois vous a mené, Marc Roche et vous, au cœur des secrets de la technofinance et des couloirs de Wall Street. Comment vous avez pu approcher les intervenants qui témoignent à visage découvert? Parce que j'imagine que c'est quand même tout ça sous le sceau du secret, tout ça ne se dit pas. Et finalement, vous arrivez à faire dire. Le principe, effectivement, quand on travaille à Wall Street ou dans les établissements financiers, c'est on ne parle jamais de ces activités. Donc toute la difficulté était de réussir à rencontrer des gens qui avaient, à un moment donné dans leur carrière, été au cœur des activités et qui en étaient sortis et qui avaient retrouvé leur liberté de parole. Parce qu'en général, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui se précipitent pour vous parler n'y connaissent rien. Donc là, effectivement, on a pu avoir accès à quelques anciens de Goldman Sachs, ou qui avaient croisé la route de Goldman Sachs, et qui ont accepté de nous raconter un peu les méthodes de Goldman Sachs dont vous venez de parler, et notamment ces conflits d'intérêts absolument incroyables, et ce réseau d'influence hors pair que la banque s'est constitué, aussi bien au sein des gouvernements, que ce soit le gouvernement américain ou les gouvernements européens, au sein des institutions internationales. Et c'est ce qui fait que cette banque, elle a quelque chose de plus que les autres. D'ailleurs, on parle du gouvernement Sachs, Goldman Sachs. Et c'est ce réseau d'influence hors pair qui lui a permis d'être sauvé par le gouvernement américain au moment de la crise de 2008. Vous l'avez très bien raconté. Et qui lui a permis de continuer à placer ses hommes au sein des institutions européennes, notamment avec la nomination de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne. Et donc tout ce que vous venez de dire explique la deuxième partie du titre, la banque qui dirige le monde. C'est ça. Si c'est un lobbyiste très efficace au niveau européen et au niveau américain, elle dirige le monde. C'est dans son ADN. Quand vous entrez chez Goldman Sachs, vous entrez dans le sein des saints et on vous le fait comprendre. La sélection est très dure. On les appelle les moines banquiers. Vous travaillez 15 heures par jour. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne dormez quasiment plus. En échange, vous gagnez beaucoup d'argent. Ouais, bah heureusement. Vous restez 15 ans dans la banque, et après, vous continuez à servir la banque d'une autre manière, en regagnant, en gagnant les rangs des institutions internationales, ou en devenant ministre, ou en devenant conseiller du ministre. Et donc, les banquiers de Goldman Sachs fonctionnent comme ça. D'abord, on gagne de l'argent pendant 15 ans, et après, on va utiliser son influence. Et quelque part, on n'a jamais quitté la banque. L'une des personnes interviewées dans le documentaire nous dit, c'est comme s'il existait une espèce d'université informelle Goldman Sachs. Le réseau des anciens est un réseau d'une puissance absolument incroyable. C'est vraiment la firme. C'est la firme, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est la firme avec une mentalité de joueur, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les marchés financiers, c'est comme un casino où on est sûr de gagner à la fin. Et il y avait un témoignage absolument incroyable d'une personne qui a été banquière chez Goldman Sachs, qui aujourd'hui a quitté les métiers de la banque, qui nous racontait comment s'était passé le 11 septembre chez Goldman Sachs. Et donc elle est à l'étage des matières premières, elle est dans le trading des matières premières, et il y a le responsable du trading qui s'appelle Gary Cohn, et qui est aujourd'hui le conseiller économique du président Trump, donc qui est aujourd'hui à la Maison Blanche. Et lui, quand il a vu le premier avion s'écraser contre la tour, il a ordonné à ses traders de jouer sur le pétrole. Il s'est dit, avion, tour, crash, on ne sait pas si c'est un attentat ou un accident, il y a de fric à se faire. Et ils ont continué à jouer, jusqu'à ce qu'on sache, après le deuxième impact, qu'effectivement il s'agissait d'attentats. C'est un peu pour illustrer la mentalité. Tout est bon pour faire un coup, pour gagner de l'argent. Y compris les événements les plus dramatiques. Mais on ne parle pas de morale ou d'éthique. C'est clair. On est ici pour gagner de l'argent, et pour gagner le plus d'argent, et comme le disait un des concurrents, pas seulement gagner de l'argent, mais écraser l'adversaire. Parce qu'on disait effectivement des gens qui travaillent 15 heures par jour et ils touchent de l'argent. Alors on se dit, oui, c'est normal qu'ils touchent de l'argent s'ils travaillent beaucoup. Sauf que là, on est dans des sommes folles, quoi. Et pas seulement le PDG de la banque, hein, les traders peuvent toucher des sommes complètement dingues, surréalistes. Mais vous êtes multimillionnaire. Les bonus sont incroyables. Vous faites partie des gens qui gagnent le plus d'argent au monde. Ouais. Voilà. Et on vous le fait sentir. Tout est fait pour vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Mais vous ne devez faire que ça. Et vous jurez fidélité à la banque. Et vous jurez également le secret. Et même quand vous sortez, vous signez un accord de confidentialité, vous n'avez le droit de parler de rien du tout. D'ailleurs, quand vous regardez le jeune français Fabrice Tour. On allait en parler justement de Fabrice Tour. Qui a été jeté en pâture par Goldman Sachs, par sa propre direction. Parce que les mails absolument incroyables qu'il écrit à sa petite amie, où il s'appelle lui-même Fable Fabuleux, ces mails étaient des mails qu'il avait écrits en français à sa petite amie. La direction de Goldman Sachs a pris soin de les faire traduire avant de les livrer aux médias. Et ceci quelques jours avant les auditions publiques devant devant le Sénat américain. Ce qui fait que tous les médias américains avaient les paroles, les propos écrits par Fabrice Tour à sa petite amie, dans lequel il se vantait, évidemment, il avait une certaine arrogance. Donc tout ça, c'était fait pour l'enfoncer. Or, ce Fabrice Tour était défendu par des avocats qui eux-mêmes étaient payés par Goldman Sachs. Le conflit d'intérêts. Donc il s'est retrouvé jeté en pâture, sans pouvoir vraiment se défendre, parce que ses avocats dictaient sa défense, à savoir tu dis rien. Voilà. Et donc à l'arrivée, il a été la seule personne condamnée. Bon, la banque a eu une amende dérisoire, vous l'avez dit. Il a été le seul individu condamné. Ses supérieurs n'ont jamais été condamnés. Ah, c'est le fusible habituel, quoi. Dans ce genre de choses. Parfait. Ouais, il était jeune, arrogant et en plus français. Donc c'était parfait. Voilà. Donc il a eu 875 000 dollars d'amende. Et la juge s'est permis de préciser interdiction à Goldman Sachs de payer votre amende. Et donc il a dû payer lui-même. Depuis, il a quitté les marchés. Il est professeur d'économie aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Jérôme Kerviel à la Société Générale ou au contraire, Tour et Kerviel, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. On est aux deux opposés. Tour, c'est le pur produit de l'establishment financier. C'est le premier élève de la classe, c'est le meilleur des meilleurs. Il sort de l'école centrale, il a 22 ans, il est recruté par Goldman Sachs, il rentre dans le sein des saints. Kerviel, c'est au contraire quelqu'un qui fait tout pour être admis chez les autres traders et qui, à la fin, fait ses coups dans le dos de la direction. Alors, quand ça marche, tout le monde lui tape dans le dos, puis quand ça marche plus, il est viré, avec 5 milliards de positions à découvert, quand même. Alors qu'au contraire, Fabrice Tour, il travaille conformément à ce que lui demande sa hiérarchie, donc c'est le meilleur élève de la classe. Ouais. Donc voilà, on a affaire à deux profils totalement différents. D'accord. Donc en tout cas, ça le protège, Tour, d'une certaine façon, d'être le meilleur élève de la classe. Oui, oui, oui. Si vous voulez, il n'y a pas tellement d'initiatives individuelles dans tout ça. Alors, il conçoit donc ce fameux abacus. Alors ça, c'est une bombe à retardement. Est-ce que vous avez eu des difficultés, vous, pour nager dans cette finance avec ces codes compliqués? Moi, ça fait depuis 2008 qu'on essaie de m'expliquer ça. Du mal à rentrer. C'est très, très, très compliqué, la titrisation, les titres pourris. Faut s'accrocher pour comprendre quand même, hein, comment ça fonctionne. Mais en fait, tout est fait pour que vous ne compreniez rien. Ah, ça me rassure. Donc c'est une manière de se défendre. Et ce qui permet aux financiers de dire aux politiques ou aux gens qui sont extérieurs, vous n'y connaissez rien, laissez-nous régler les problèmes, nous on connaît. En fait, sur les grandes lignes de force, c'est assez simple. Hein. Vous faites un millefeuille de crédit pourri que vous assemblez Et puis après, vous allez le vendre à vos clients qui ont confiance en vous. Parce que moi, j'ai rencontré des clients de Goldman Sachs qui avaient acheté Abacus. Alors, il y avait une banque régionale allemande de Düsseldorf. Alors, une banque pépère qui finançait les PME allemandes. Et puis, qui, à un moment dans ces années-là, a voulu jouer dans la cour des grands et aller à Wall Street. Alors, là, maintenant, vous mettez du point de vue de Goldman Sachs. Vous voyez arriver le banquier allemand de Düsseldorf à Wall Street. Et toutes les lumières s'allument. C'est le pigeon parfait. Le pigeon parfait. Le pigeon parfait. Et effectivement, c'était ça. D'ailleurs, dans ses mails, Fabrice Tour dit « J'ai encore vendu des Abacus à ces Belges. » C'était le surnom qu'il avait donné à ces banquiers allemands. Et alors, ils ont voulu jouer dans la cour des grands. Ils comprenaient absolument pas ce qu'ils achetaient. De toute façon, c'était très compliqué de comprendre comment étaient constitués ces produits Abacus. C'est ça qui est compliqué. Calculés avec des algorithmes mathématiques extrêmement sophistiqués. En tout cas, ils avaient été spécialement assemblés pour se casser la gueule. Parce que c'était un des principaux clients de Goldman Sachs qui avait demandé ça. Le client et Goldman Sachs avaient senti que le marché de ces crédits immobiliers américains était en train de se retourner. Et donc, ils avaient décidé de quitter la piste de danse. Mais quand on quitte la piste de danse, on ne se contente pas de la quitter. On veut aussi faire fortune en partant les premiers. Donc, ce client, qui s'appelait Paulson, d'ailleurs, rien à voir avec l'ancien PDG, le secrétaire au trésor, voilà, avait demandé à Goldman Sachs de le fabriquer sur mesure, ce titre-là, Abacus. Et Goldman Sachs avait trouvé que c'était une très bonne idée et s'était dit, je vais en profiter aussi pour jouer pour mon propre compte. Donc voilà, ils l'ont assemblé pour leurs clients, ils l'ont vendu à leurs pigeons et en plus, ils ont joué pour leur propre compte. Donc voilà, c'est un casino, vous gagnez à chaque fois. Vous gagnez en prenant des commissions quand vous fabriquez ces produits financiers sophistiqués, une deuxième fois quand vous les vendez aux clients, et une troisième fois en jouant pour votre propre compte. Et donc ces gens n'ont pas mauvaise conscience parce qu'ils se disent que ce n'est pas illégal. C'est une pratique professionnelle. Alors il existe deux choses. Il existe la ligne jaune de l'éthique et la ligne rouge de la loi. Alors, la ligne jaune de l'éthique, elle est franchie allègrement, un peu comme si elle avait jamais existé. La ligne rouge de la loi, ils font très attention à ne pas la franchir. Alors, ils flirtent avec, quelquefois ils vont un peu de l'autre côté. Sur le délit d'initié, par exemple. Oui, sur les délits d'initié. Mais là où Goldman Sachs utilise son influence, c'est notamment en finançant toute la classe politique américaine. Il faut savoir, vous avez évoqué le gouvernement Obama, Goldman Sachs est un des principaux donateurs lors de la campagne d'Obama. Ils donnent des deux côtés, mais ils avaient plus donné côté démocrate. Et surtout, ils financent les campagnes des congressmen, les députés ou les sénateurs américains, ce qui leur permet, en fait, d'influencer la loi, et donc de déplacer la ligne rouge de la loi. Comme ça, on n'a plus besoin de la franchir, on l'a déplacée. Alors, évidemment, après la crise des subprimes en 2007 et la crise financière en 2008, on a entendu beaucoup de voix s'élever de la part des responsables politiques, en Europe notamment, et en France. Michel Sapin, à l'époque de la crise de 2008, il était député socialiste, et il demandait, comme beaucoup d'autres, que la finance mondiale soit encadrée. On l'écoute. Vous pensez, Michel Sapin, qu'il y a quelques financiers cyniques qui jouent aussi les marchés à la baisse ? Ben, la spéculation est là comme caractéristique d'avoir d'abord aucune morale, de ne pas chercher forcément à arranger les choses, et on peut gagner autant d'argent en spéculant à la baisse qu'en spéculant à la hausse. Là aussi, dans ce domaine-là, il y aurait besoin de transparence, de règles et de sanctions. Voilà, ce que vous en pensez, c'est une analyse lucide. Quoi. Enfin, ah, bien sûr, quand vous jouez à la hausse ou à la baisse, vous pouvez gagner dans les deux cas. Alors, durant votre enquête, parmi tous les responsables d'institutions économiques internationales, seul Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a accepté de vous répondre. Alors, on va écouter une deuxième archive. Là, il revient sur la réaction de l'opinion face à la crise de 2008. Et juste après, alors, votre confrère Marc Roche, qui a fait le documentaire avec vous, l'interpelle sur le cas de Mario Draghi. Je vous mets en garde. Rechercher un bouc émissaire conduit à disculper tout le reste du système, mais dans l'ensemble des pays avancés, je note un malaise, un vrai malaise. Alors, un malaise qui est complexe. Je crois qu'il est très difficile pour nos opinions d'admettre que le système financier pouvait être aussi fragile. Alors, en sus de cela, il y a le paradoxe que ce système fragile était en même temps un système dans lequel les gens se rémunéraient beaucoup. Et là, certaines valeurs qui se développent au sein d'un certain nombre d'industries et de l'industrie financière ne sont pas acceptables par les gens. le peuple souverain. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent. Stop, je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, prenez tout votre temps. Que, oui, mais moi, je ne veux pas répondre. Donc, vous ne me posez pas la question. D'accord. On est bien d'accord. Hein, oui. Vous ne me posez pas la question. Aïe, aïe, aïe. Mario Draghi, donc, ancien de Goldman Sachs, est désormais tout puissant président de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est un conflit d'intérêts flagrant et dont, manifestement, on ne veut pas parler. On accepte cet état de fait, quand même. C'est étrange. Oui, la réaction de Jean-Claude Trichet était très étrange. Et alors, en plus, je vais vous préciser les conditions de cette interview. C'est oui. La demande d'interview a été faite par mail, c'est moi qui l'ai faite. Et donc, elle a été faite par mail dans le cadre d'un documentaire sur Goldman Sachs. On est venu, on avait fait un repérage, on est venu une deuxième fois, il y a eu un nombre d'échanges de mails, il y a eu plusieurs échanges de mails. À chaque fois, c'est précisé qu'on va parler de Goldman Sachs. Et quand Jean-Claude Trichet arrive au début de l'interview... Il nous salue, très sympathique, et il nous dit « je ne dirai pas un mot sur Goldman Sachs ». Voilà, ça fait 3 heures qu'on a installé le matériel, on commence l'interview, il commence à nous faire un cours d'économie, brillant, mais un peu endormant, il faut dire. Et nous, on fait quand même notre métier de journaliste, on lui pose 2 questions sur Draghi. Et voilà sa réaction, de dire « couper la caméra ». Et en fait, c'est assez étonnant de voir cette réaction-là de la part de quelqu'un qui maîtrise parfaitement le fonctionnement des médias. Ce qui s'est passé, on l'a appris après, c'est qu'en fait, au moment de la nomination de Draghi à la Banque Centrale Européenne, personne ne s'est posé la question de savoir si son passage chez Goldman Sachs pouvait éventuellement poser un problème. Alors on pourrait dire, mais pourquoi personne ne s'est posé la question ? Parce que le fait de ne pas se poser la question, bon, c'est déjà étonnant, mais pourquoi ne pas se poser la question ? Parce que tous ces gens font partie de la même caste. Ils font des allers-retours entre le privé et le public. Draghi, avant d'être chez Goldman Sachs, a dirigé le Trésor italien. Jean-Claude Trichet fait partie du même cursus. Voilà, donc pour eux, de passer du public au privé et revenir dans le public, c'est normal. C'est comme ça que vous faites votre carrière. Il faut voir en plus que c'est pas le premier haut fonctionnaire italien à avoir travaillé chez Goldman Sachs. Je sais que Monti aussi avait Mario travaillé. Monti, Mario Monti, qui était président du Conseil des ministres italien. Et Romano Prodi, qui a été président de la Commission européenne. C'est vrai. Et donc, qui était aussi président du Conseil des ministres italien. Voilà. Et donc diriger ce pays. Donc quelque part, quand vous êtes haut fonctionnaire dans la sphère économique italien, un passage chez Goldman Sachs, c'est un accélérateur de carrière, et en tout cas c'est un accélérateur de fortune, ça c'est sûr. Et en France ? Et en France, il y a des allers-retours entre le privé et le public, ce qu'on appelle le revolving door, ça se fait, c'est le pantouflage, voilà, c'est traduit par le pantouflage. Alors, Goldman Sachs en France est un peu moins puissant, voilà, c'est surtout la sphère anglo-saxonne, mais c'est vrai qu'ils ont un réseau d'influence formidable, parce que tout le monde est venu à un moment donné ou l'autre de sa carrière, tout le monde a voulu travailler chez eux, et donc tout le monde est... Forcément, si aujourd'hui le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, toujours le même, a besoin d'appeler Mario Draghi, je pense qu'il n'aura pas de problème à le joindre au téléphone. J'imagine aussi. Dans votre documentaire, vous vous intéressez à la façon dont Goldman s'intéresse à l'Europe et aurait aggravé le déficit de la Grèce. Comment ont-ils procédé ? Alors ils ont fait ce qu'on appelle, alors dans leur jargon technique, un swap de devises. Alors ça fait très peur, en fait c'est tout simple. La Grèce à l'époque a un déficit budgétaire un peu important et a peur de la réaction de ses voisins européens. Elle cherche à intégrer l'Europe, voilà. Donc elle veut réduire un petit peu sa dette. Alors Goldman Sachs va les voir en disant, mais voilà, on va faire un marché. Alors ça se passe comme dans un bureau de change. Normalement le change, admettons que ce soit 1 euro pour 1 dollar. Mmh. Eh bien Goldman Sachs dit à la Grèce, mais nous on va vous donner 2 dollars pour 1 euro. Mais en échange, elle nous signe un petit bout de papier sous la table, comme quoi on fait un emprunt secret. Et du coup, avec cet accord, ce swap de devises, ils ont réussi à baisser officiellement la dette grecque de plusieurs milliards. Et donc artificiellement, finalement. Artificiellement. Mm-hmm. Alors, les Européens n'ont pas été très regardants. Hein. Il faut dire, c'était pas très compliqué de voir. Et alors, Goldman Sachs a gagné beaucoup d'argent dans cette histoire parce que ils n'ont pas gardé le petit bout de papier signé sous la table. Ils l'ont pas gardé. Goldman Sachs, ils gardent pas. Hein. C'est pas une banque qui thésaurise. Ils l'ont revendu tout de suite. Donc comme ça, si la Grèce payait pas, ils en foutaient. Ils avaient déjà encaissé leur commission. Ils ont gagné plus de 600 millions de dollars sur ce coup-là. ouais. 600 millions de dollars, en réduisant la dette grecque de 2 milliards. Et qu'est-ce que les Grecs ont gagné là-dedans ? Eh ben, côté grec, eux, ils n'ont pas gagné grand-chose, parce que c'était basé sur des taux d'intérêt qui étaient variables, les taux d'intérêt se sont envolés, la dette s'est envolée, ils ont dû repousser le remboursement, je crois que ça devait jusqu'en 2037, ouais. Voilà. Alors, quand vous allez en Grèce, les péages d'autoroute, les taxes d'aéroport, ben, ça sert à rembourser ce type d'emprunt. Bien, bah écoutez, devant le cynisme de ce monde, on va aller faire pousser des chèvres. Hein. C'est quand même assez effrayant. Merci en tout cas. Merci infiniment pour tous vos éclairages, votre précision de votre témoignage, Jérôme Fritel. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale Goldman Sachs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'histoire des 35 heures.